Mais comment on peut s'habituer à tout? On s'habitue au licenciement, au suicide au travail. On s'habitue au sans-logis, au bonus des traders. On s'habitue à la police dans les écoles qui traque les enfants sans papier. On s'habitue au racisme, à la haine, à la guerre. On s'habitue à tout. Habitué à tout, à voir les dealers passer 6 gros. À l'Europe, à l'euro, à ne plus fumer dans les bistrots. À la drogue dure, en vente libre dans mon barrio. Le crack est à la goutte d'or, que le carnaval est à Rio. Habitué à l'abus, aux arrestations en série. Habitué à se faire serrer, un peu comme Samina Seri. Habitué au recel, à la flambée des tarots. Au pire, au pipa crack, au picouzé, au garrot. On s'habitue à tout, faut juste un petit temps d'adaptation. On se relève après coup, la prochaine on fera attention. On s'habitue à tout, même aux trucs les plus claqués. C'est comme la clope, tu commences par une et tu finis par le paquet. Habitué à semer de la mauvaise graine, hein, à se contredire, à côtoyer les extrêmes. Habitué à trouver les portes closes, à l'exagération, la bulle excelle et forte dose. À faire le dur et qu'on me prenne pour une teigne. À faire l'argent facile, ce pour lequel je risque une peine. Habitué à la street, c'est pas une affaire à ce prix. À la misère, mais depuis quand la crasse brille? À la défaite, à la perte. On a connu pire, on en a vu des pas mûres et des vertes. Habitué à rôder, à croiser les mêmes pestes. Tout n'est qu'en routine, habitude, on répète les mêmes gestes. Habitué au stress en tout genre et à la nique pas. À la société française et ses dictats. À faire l'autruche quand on n'est pas concerné. Habitué à se faire berner aux injustices dans le monde et à tout ce bazar. Quand sans raison Israël bombarde Gaza. Habitué quand l'Amérique en fait trop. En Irak les Invalides c'est pas une station de métro gros. On s'habitue à tout, faut juste un petit temps d'adaptation. On se relève après coup, la prochaine on fera attention. On s'habitue à tout, même aux trucs les plus claqués. C'est comme la clope, tu commences par une et tu finis par le paquet. Habitué à semer de la mauvaise graine, hein, à se contredire, à côtoyer les extrêmes. Habitué à trouver les portes closes, à l'exagération, la bulle excelle et forte dose. On s'habitue à tout, pourtant sur le coup on dit c'est insupportable. Comme toutes les vidéos hardcore qui tournent sur les portables. Tout terrain, habitué à voir de tout. Habitué aux vieux coups, aux mecs qui partent en yoku. Habitué à la haine, oui l'amour c'est délicat. Habitué au célibat, si on s'aime pas on se lit pas. À être des machos, à jeter l'argent par la fenêtre. Je te raconte pas si nous avait vu celle qui nous a fait naître. Habitué aux disputes et aux mésententes, à nous faire duper sans cesse par les représentants. À fermer nos gueules, nous contenter du minima. Mais un jour ça va péter comme un Madinina. Habitué au goût, vas-y tu peux y aller même pas mal. Ça y est c'est bon, l'insupportable est devenu banal. Habitué à se serrer la ceinture, à taper pour des centimes, à finir le mois sans thune. On n'a pas grandi dans des couvents, oui on connaît bien le boulevard. Même habitué à voir des culs à la télé à tout va. Habitué aux scènes hautes, à voir les mêmes têtes. Habitué aux mêmes potes, à fumer sur les mêmes bêtes. Habitué aux flics et à leur abus de pouvoir. Ouais de là où elle est, la justice ne peut pas tout voir. Habitué aux radios, aux matraquages incessants, à écouter de la merde, donc on sait bien ça se sent. Habitué depuis môme à la bêtise humaine, au type qui fait l'aumône. Habitué à voler tunnels, habitué au placard, à l'univers carcéral. On n'a pas attendu les reportages d'envoyés spéciaux. Le chacun pour soi, l'individualisme, s'habituer à la loi de la jungle capitaliste, l'exploitation, l'oppression, c'est accepter l'inacceptable. Et vous, vous vous habituez à tout? On s'habitue à tout, faut juste un petit temps d'adaptation. On se relève après coup, la prochaine on fera attention. On s'habitue à tout, même aux trucs les plus claqués. C'est comme la clope, tu commences par une et tu finis par le paquet. Habitué à semer de la mauvaise graine, hein, à se contredire, à côtoyer les extrêmes. Habitué à trouver les portes closes, à l'exagération, la bulle excelle et forte dose. Y'a que le poisson mort qui suit le courant. Point.